40 ans, c'était le 5 septembre 1977, était envoyé dans l'espace ce qui allait devenir l'objet de confections humaines à parcourir la plus grande distance jamais parcourue, jusqu'aux confins de notre système solaire et au-delà, la sonde Voyager 1, envoyée paradoxalement quelques semaines après sa jumelle Voyager 2 qui a quitté la Terre le 20 août. Les deux sondes ne sont pas seulement les porteuses du disque doré à destination des extraterrestres que le grand public a retenu, elles sont surtout les premières missions à avoir exploré les planètes géantes et leurs satellites au-delà de Mars et à nous renseigner sur ces horizons lointains, froids et obscurs de notre système solaire. Voyager, 40 ans d'Odyssée, c'est l'énoncé du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nos homères contemporains pour compter cette Odyssée spatiale sont aujourd'hui Francis Rocard, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astrophysicien responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos confrères de France Bleu Pays Basque à Bayonne avec Rosine Lallemand, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, membre du GEPI pour Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation à l'Observatoire de Paris. Et vous pouvez suivre, eh bien, comme chaque jour, cette émission, vous le savez, sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. C'est cet après-midi à 15h25 que sera lancée depuis Cap Kennedy la sonde Voyager 1. Cette bouteille dans l'espace emportera le message des hommes pour une éventuelle civilisation extraterrestre. C'est la troisième fois dans l'histoire de l'humanité qu'un engin construit par la main de l'homme va quitter notre système solaire pour aller vers les étoiles de notre galaxie. Mais c'est la première fois que le président des États-Unis, le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, et 14 chefs de délégation à l'ONU ont enregistré, chacun dans leur langue nationale, un message pour l'éventuelle civilisation extraterrestre qui captera Voyager dans quelques dizaines ou dans quelques centaines de milliers d'années. Quand Voyager aura quitté notre système solaire, dans 10 ans, alors les distances deviendront telles que nous ne pourrons plus garder le contact radioélectrique avec cette sonde alimentée à l'énergie atomique. Mais d'ici là, et pendant 10 ans, Voyager 1, qui sera lancé cet après-midi de Cap Kennedy, et Voyager 2, qui sera lancé le 1er septembre, enverront vers la Terre quantité de renseignements sur les planètes du système solaire les plus éloignées de nous. Et on peut dire, Michel Chevalet, que ces deux sondes seront de véritables machines à remonter le temps. Voyager, après avoir frôlé Jupiter, Saturne, va se diriger en direction d'Uranus. Et la sonde sera alors à une distance de 2,7 milliards de kilomètres de nous. La sonde ne l'atteindra que dans 10 ans, en mars 86. Mais attention, 2,7 milliards de kilomètres, ce n'est que la moitié de notre système solaire qui fait 6 milliards de kilomètres de diamètre. En somme, avec cette mission Voyager, on découvre en quelque sorte l'immensité de l'univers. Par exemple, Voyager va circuler à 54 000 kilomètres. À l'heure. Eh bien, si Voyager allait vers notre Soleil le plus proche, Proxima du Centaure, 4,2 années-lumière, c'est-à-dire 90 000 milliards de kilomètres, eh bien, j'ai calculé ce matin qu'il faudrait à la sonde 200 000 ans pour toucher le Soleil le plus voisin de nous. Comme quoi, vous voyez que l'homme, Jean-Claude Bourret, en quelque sorte, est prisonnier de son berceau originel. Je crois qu'il n'en sortira jamais et il se contentera d'en faire le tour. Voilà, archive du journal de TF1, vous avez entendu Michel Chevalet et Jean-Claude Bourret, qui est un peu confus, puisqu'en fait, l'archive date du 20 août 1977, qui est la date du lancement de Voyager 2, qui est parti avant Voyager 1, qui lui a bien été lancé, la sonde qui elle a bien été lancée le 5 septembre 1977. On va voir un peu d'ailleurs pourquoi ça s'est fait dans cet ordre-là, et pourquoi finalement Voyager 1 a été plus rapide et sorti plus la première de notre système de planètes, puisque on va expliquer qu'elle n'est peut-être pas encore tout à fait sortie du système solaire. J'aimerais avant cela une réaction de chacun d'entre vous à cette archive qui nous donne tout de même une sorte de photographie de l'état de nos connaissances du système solaire il y a 40 ans, Francis Rocard. Alors oui, en fait, les missions Voyager prenaient la suite des missions Pionnier 10 et 11, qui étaient parties dans les années 72-73. Je dirais qu'on a oublié les Pionniers, parce que les Voyager ont fait mieux derrière. Et au moment du lancement, il n'était pas question d'aller voir Uranus et Neptune. Ce n'était pas encore décidé formellement. La décision n'a été prise qu'après le survol de Saturne en 81. Rosine, l'Allemand, quelle différence exacte entre ces deux missions, Pioneer et Voyager, qui sont parties à très peu de temps d'écart et qui sont pourtant des missions très distinctes? Voyager était une mission beaucoup plus conséquente que Pioneer, qui était des sondes plus légères et moins outillées et moins équipées. Oui, les voyageurs ont des systèmes de caméras, ont des qui animés en fait sur une plateforme. Il y a plus d'instrumentation à la fois pour l'imagerie et puis des analyses à la fois de spectroscopie, c'est-à-dire décomposition de la lumière. Et puis des instruments pour mesurer les particules et les ondes et le champ magnétique. Il y a tout en fait sur les voyageurs. Alors moi je voulais dire que c'est très émouvant quand on entend cette présentation. Et je constate qu'en fait, personne n'imaginait une durée pareille. D'ailleurs, même, je crois que Michel Chevalet dit que les générateurs à plutonium qu'on envisageait à l'époque d'avoir une mission qui durerait déjà, ça paraissait énorme, de 5-10 ans. Et vous voyez où on en est, quoi, en fait. Donc, ça fait un... 40 ans. Oui, 40 ans. Francis Regard. Incroyable. Oui, en fait, je ne crois pas que ce soit un problème de régénérateur de plutonium, les 10 ans dont parle Chevalet. C'est plutôt l'intensité du signal. Et d'ailleurs, au moment du survol de Neptune en 89, préalablement à ce survol, la NASA a décidé d'agrandir ses grandes antennes. Donc les grandes antennes du DSN, il y en a 3 qui couvrent tout. Donc de Voyager 2. Non, les grandes antennes au sol. Au sol, pardon, autant pour moi, d'accord, très bien. Un milliardième de watts. Eh bien, ces grandes antennes qui faisaient 64 mètres ont été passées à 70 mètres. Donc, ça fait pas grand chose, mais vous multipliez ça au carré, ben, en fait, ça augmente considérablement la surface. Et c'était la condition sine qua non pour pouvoir continuer à capter le signal, peut-être jusqu'en 2025, si tout va bien. Alors, on va reparler aussi un peu de la particularité de ces deux sondes Voyager, dont on va voir que, effectivement, elles étaient à la pointe de la recherche en physique et en astrophysique de l'époque. Mais j'aimerais qu'on redise peut-être aussi un peu un mot de l'état de nos connaissances du système solaire en 1977. En 1977, c'est-à-dire au moment du lancement, on sort des missions Apollo. Et finalement, après Mars, après la ceinture d'astéroïdes, Francis Rocard, on ne connaît pas grand-chose. Encore. On connaît les planètes géantes parce qu'on les observe avec des télescopes. On identifie quelques lunes. On ne sait à peu près rien de ces lunes. On n'a aucune photo. Ce sont des points sur des images. On a absolument pas identifié qu'il y avait des anneaux autour de Jupiter, Uranus et Neptune. On a absolument pas identifié que Io était très très actif sur le plan volcanique. Enfin, tout ça était totalement inconnu. Les Voyager ont découvert 24 lunes, 24 satellites en faisant leur survol. Donc des découvertes extrêmement importantes. Donc oui, il y avait beaucoup d'inconnus. Je dirais qu'aujourd'hui, l'essentiel de ce que l'on sait d'Uranus et Neptune vient de Voyager 2. Une sonde qui fait pas une tonne. Rosine, l'Allemand, sur cet état un peu historique de la recherche spatiale et de notre connaissance du système solaire au moment du décollage de Voyager 1, puisque c'est aujourd'hui le 5 septembre, la date anniversaire des 40 ans. Bah, en fait, pour ce qui est de la suite de la mission, en fait, la raison pour laquelle elle est prolongée aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de planète à visiter, là, c'était totalement inenvisagé à l'époque, parce que on va voir qu'il y a un hasard heureux qui a fait que les trajectoires qui étaient imposées en fait par l'alignement des planètes, que ces trajectoires amènent aujourd'hui les sondes dans une direction qui est favorable à à la mission en cours, qui est d'étude de la périphérie de l'endroit où le gaz qui émane du soleil, le vent solaire s'arrête. Et tout ça, c'était totalement inconnu parce que on ignorait dans quoi se déplaçait le soleil et quelles étaient les caractéristiques du milieu dans lequel se déplaçait le soleil et justement quelle était la direction favorable. Je vais y revenir peut-être, on va bien sûr voir ça parce que ça c'est plus récent tout à l'heure, mais c'était tout ce qui a eu lieu après les planètes, après Neptune, était totalement inenvisagé au moment du lancement. pas du tout considéré. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, Francis Rocard, c'est que effectivement, au moment de concevoir cette double mission Voyager, les budgets de la NASA sont un peu en restriction après avoir été en augmentation pendant des années. C'est la fin des missions Apollo, c'est la fin de l'homme dans l'espace, ou en tout cas des vols habités. Et j'ai lu qu'il manquait $1 milliard pour boucler le programme, que les concepteurs de Voyager, les patrons de la NASA sont allés voir Nixon, qui était le président américain à l'époque, et Nixon a dit bon, allez, on se contentera de deux planètes, on n'ira pas plus loin, c'est-à-dire que normalement on fait Jupiter et Saturne, mais l'histoire a poussé finalement la mission un peu plus loin. Oui, et puis vous oubliez une chose, c'est que les Américains venaient de lancer les Vikings, qui étaient des missions martiennes très ambitieuses, recherche de la vie, qui ont coûté extrêmement cher, et donc les Voyager lancés 2 ans plus tard, bon ben ça, il y avait un peu un télescopage des coûts. Le fait qu'on n'aille pas Uranus et Neptune, c'est pas un problème de coûts, ça, c'était plutôt un problème typiquement programmatique, c'est pour pas anticiper l'échec, c'est-à-dire que quand vous décidez, vous faites Jupiter et Saturne. Et quand c'est fait, la mission est un succès. Et après, vous décidez Uranus et Neptune, et ensuite, vous avez un deuxième succès. C'est une stratégie qui est intéressante. Ça serait intéressant de parler du Grand Tour. Bien sûr. Parce que l'histoire du Grand Tour, c'est un ingénieur, un jeune ingénieur du JPL, Monsieur Gary Flandreau, qui est devenu célèbre, mais bon, qui ne l'était pas à l'époque, qui, dans les années 60, et il a publié vers 65-66, un article dans Astronautica Acta qui disait que il était possible, parce que l'assistance gravitationnelle, c'est quelque chose qui était pratiqué déjà, Mariner 10 l'avait fait, et d'autres missions, Pioneer l'avait fait également. L'assistance gravitationnelle, c'est donc de se servir de la force de gravitation d'une planète pour pouvoir accélérer une sonde, accélérer, un engin spécial, ou en tout cas le mettre sur une direction. Ça peut être accéléré, ça peut être décéléré, on peut faire un peu ce qu'on veut, accélérer, souvent on accélère, mais ça peut être simplement dévié. Partir dans la bonne direction pour aller de Jupiter à Saturne. Donc vous allez calculer la distance à laquelle vous allez passer près de Jupiter pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Voilà. Et ça, ça vous coûte rien. Et Gary Flandreau a calculé que c'était possible, ce qui a déjà été une bonne surprise en disant si on part dans les années 76, 78, 79, on peut le faire. Mais dans l'article, un moment, il dit attention, si on ne le fait pas, on ne le fera pas avant 150 ans, à peu près. Donc, il y a une occasion à ne pas manquer, au même titre qu'il y avait une occasion, c'était le retour de la comète de Halley en 86. Il fallait pas la manquer. Giotto a saisi la balle au bon. Et là, la NASA s'est dit, il faut y aller. Il faut le faire. Parce que sinon, on pourra plus jamais le faire. Et le rapport qualité-prix, aujourd'hui, est fabuleux. Vu le prix de la sonde et vu le retour de scientifiques sur 4 planètes géantes, c'est considérable. C'est-à-dire que, pour résumer ça en quelques mots, finalement, Voyager a bénéficié d'un alignement des planètes favorables, Rosine Lallemand, qui a permis de pousser, de continuer cette mission au-delà de Jupiter et Saturne. Exactement. À la fois pour les planètes, comme disait Francis Rocard, je crois que c'est, il me semble que c'est 160, un alignement tous les 176 ans. Enfin, c'est énorme. Et puis donc, et encore une fois, un aboutissement, c'est-à-dire une position des sondes après la fin des après les visites des planètes favorables à la suite à une autre étude ultérieure. Il y a, oui, donc, allez-y. Oui. Oui, en fait, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure là, parce que on va commencer tranquillement par les planètes et par voir ce que les deux sondes nous ont appris, et puis on va ensuite parler de ces limites très du bien. Système solaire qui posent question et qui sont encore sujettes à controverse aujourd'hui. J'aimerais dire un mot encore une fois pour qu'on ait bien à l'esprit que ces deux sondes Voyager sont construites il y a 40 ans, qu'il y a 40 ans l'informatique, la miniaturisation n'était pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui, et qu'il a fallu faire des choix, qu'il a fallu penser ces sondes justement pour des missions au long cours. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot l'un et l'autre, Francis Rocard, de ces choix technologiques et du matériel embarqué sur ces sondes Voyager? Donc c'est pas 40 ans, c'est 45, parce qu'il a fallu la fabriquer 5 ans avant de la lancer. Et par exemple, le calculateur a une mémoire vive de 64 kilooctets. Quand on est nous dans nos gigaoctets sur nos smartphones, là il y avait 64 kilooctets pour travailler. C'était absolument lamentable. Ce que représente une disquette, je crois que les premières disquettes étaient à 64 kilooctets ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était absolument ridicule. Et je dirais que les voyageurs ont fait d'énormes, il y a eu d'énormes efforts et des grandes premières technologiques sur les voyageurs, notamment pour la première fois de faire une sonde qui soit protégée contre les radiations. Donc maintenant, c'est un standard qu'on utilise fréquemment, mais à l'époque, c'était pas fait. Protéger contre les décharges électriques qui pouvaient être transmises et qui pouvaient endommager via des rayonnements cosmiques. Et puis un système de logiciel de protection automatique contre les fautes, c'est-à-dire que le logiciel lui-même était capable de s'apercevoir que il était en erreur et donc qu'il fallait rebooter, comme on dit, comme sur Windows, il fallait rebooter. Et notamment, c'était la première fois que ce logiciel était programmable. Donc on pouvait envoyer. Alors maintenant ça se fait couramment, mais à l'époque on ne savait pas le faire. Et donc on a envoyé à Voyager des ce qu'on appelle des patchs, c'est-à-dire des petits morceaux de logiciel, un peu les updates de votre smartphone, des correctifs. Et ça c'était tout à fait nouveau. Il y a une chose absolument incroyable qui a été faite sur Voyager, c'est que après Neptune, donc après 89, il y avait un souci sur un senseur stellaire. Un senseur stellaire, les Voyager sont stabilisés trois axes, donc on ne tourne pas. Elles sont fixes et elles pointent leur antenne vers la Terre et elles bougent par un mouvement perpétuel puisque finalement il n'y a aucune propulsion. Eh bien, ce senseur stellaire qui garantit que l'attitude est conservée commençait à donner des signes de défaillance. Et donc, décision a été prise de passer sur la redondance. Alors, c'est bien joli de dire ça, mais passer sur une redondance, c'est une procédure extrêmement dangereuse parce que si vous échouez, vous perdez tout. C'est-à-dire, si plus aucune chose marche, eh bien, la sonde est perdue. Donc, il fallait pas se rater. Et ça a été une prouesse du JPL de faire la transition, de passer sur la redondance. Et Voyager a eu une nouvelle jeunesse comme ça. C'était effectivement une nouveauté et une nouveauté importante. Et on va voir que ça a permis de sauver d'autres situations, notamment aux abords de Saturne, et puis de prolonger la mission vers Uranus et Neptune, cette capacité de reprogrammation. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut dire, Rosine Lallemand, sur l'équipement de Voyager. Oui. Juste pour revenir sur ce qu'on disait Francis, enfin c'est absolument incroyable quand on compare avec les capacités aujourd'hui de n'importe quel petit téléphone. Pour stocker les données, parce que la sonde n'envoie pas les données en permanence, et donc les mesures sont stockées pendant un certain temps, enregistrées, puis ensuite retransmises. Et la capacité du stockage à bord, c'est même pas un film aujourd'hui, quoi. C'est 500 mégaoctets. C'est absolument incroyable qu'on ait pu faire tout ce qui a été fait, enfin que la NASA ait pu faire tout ce qu'elle a fait avec de si petites capacités. Mais c'était du costaud, apparemment, a bien résisté. Et un mot pour dire aussi, par exemple, que contrairement à d'autres engins spatiaux qu'on envoie aujourd'hui, la NASA a renoncé aux panneaux solaires puisque comme la sonde allait aller de plus en plus loin, finalement il n'y avait pas d'énergie solaire à capter, il n'y a pas de panneaux solaires sur Voyager. C'est obligé si vous voulez aller loin. Alors aujourd'hui les progrès font qu'on peut aller à Jupiter avec des panneaux solaires. Et la NASA envisage peut-être des missions avec des très grands panneaux solaires à Saturne, mais c'est le maximum aujourd'hui qu'on puisse imaginer. Au-delà, c'est RTG obligatoire. Et il n'y a que les Américains qui ont la technologie, donc c'est chasse gardée États-Unis. Et bien ce problème de place, d'encombrement et d'optimisation, c'est un peu l'alpha et l'oméga des concepteurs de sondes spatiales, y compris des concepteurs amateurs. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous. Alors outre le vaisseau spatial que vous construisez dans votre garage depuis l'âge de 8 ans, qui ne vole toujours pas. Non, exclusivement composé de pots de yaourt et d'aluminium. Ouais. Mais vous ne désespérez pas et c'est ça qui est beau. Vous êtes allé à la rencontre de concepteurs de sondes, donc amateurs. Amateurs et sérieux, j'ai rencontré Adrien Billiot, il a 22 ans. Il étudie à l'ESTACA, qui est une école d'ingénieurs à Saint-Quentin en Yvelines, où il vient de se spécialiser dans la recherche en ingénierie spatiale. Pendant un an, il a conçu avec d'autres membres du club spatial de l'ESTACA un mini-satellite dans le cadre de la compétition CANSAT, qui est une compétition organisée par Planète Science et le CNES. Cette compétition, elle a lieu chaque année depuis 2008, elle est ouverte à tous les étudiants, quelle que soit leur filière. Le but de la compétition, c'est de réaliser un module spatial capable d'effectuer une ou plusieurs missions, le tout dans une structure ne dépassant pas la taille d'un litre. Ce CANSAT, pour Canet Satellite, est largué soit d'un ballon captif, soit d'une petite fusée par les équipes de Planète Science. Adrien Billiot m'a donc expliqué comment ils ont conçu avec son équipe leur CANSAT et quelles missions ils lui ont confiées. C'est une espèce de petit prototype de nanosatellite. Donc il y a des nanosatellites, on va dire, bien professionnels. Et ça, c'est plutôt quelque chose de plus amateur. Il y a vraiment un côté très libre, on peut faire tout ce qu'on veut dedans, tant que ça tient dans le volume imparti. D'extérieur, c'est une espèce de cylindre. En dessous, il y a la caméra qui est protégée par un petit film plastique. Donc c'était ça. Et ensuite, on a deux LED qui servent d'indicateur. Combien de temps ça vous a pris pour le fabriquer et quelle mission vous vous étiez fixé? Bah, ça a pris toute l'année scolaire plus une partie des vacances. Donc, ça a été un CANSAT qui était centré sur l'exploration, justement, sur, on va dire, le concept de petite sonde qu'on peut envoyer sur une planète, n'importe laquelle. Bon, là, bien entendu, on s'est basé sur la Terre parce que c'était le plus simple. C'est vrai que faire quelque chose de suffisamment résistant, de complètement adapté à plusieurs types de planètes, c'est très compliqué. Donc on a essayé de condenser un maximum de choses. C'est pour ça qu'on mesure la température, la pression, l'humidité, la luminosité ambiante. Donc c'est un indicateur en luxe. On a aussi la composante de la lumière aux alentours. Donc ça, pareil, c'est une composante en rouge vert bleu. Et on a également un combiné accéléromètre magnétomètre. Donc ça nous donne à tout moment l'accélération sur les trois axes du CANSAT, et aussi un magnétomètre qui nous donne la direction, enfin l'écart angulaire plus précisément par rapport au nord magnétique. Qu'est-ce qui rapproche votre CANSAT à vous d'une sonde spatiale telle que peuvent en envoyer dans l'espace la NASA ou l'ESA par exemple? Le but, je dirais déjà, et ensuite les soucis de conception. Donc là, le but, c'était de récolter un maximum de données avec ce qu'on avait. On avait prévu d'autres capteurs, on avait prévu un peu plus de capteurs aussi au départ. On a dû faire des choix techniques dus notamment à l'espace réduit qu'on a eu. Comme le CANSAT était largué non seulement de la nacelle pour le concours CANSAT, mais aussi d'une fusée, on a dû s'adapter aux deux. Pour la fusée, on a dû réduire le diamètre, ce qui a fortement impacté les composants. C'est pour ça qu'à la base, une télémétrie était prévue, mais n'a pas pu être réalisée. On a eu des petits soucis d'ordre technique. Donc déjà, on a dû réduire le diamètre. On a modifié la structure de façon à ce que les composants s'intègrent mieux. Ensuite, on a dû rajouter une carte électronique de façon à amplifier le signal qui vient des capteurs, parce que le signal était beaucoup trop faible pour être lu directement par la carte additionnelle au Raspberry Pi qui sert d'ordinateur. Donc en fait, au début, on avait une idée des cartes électroniques à mettre dedans, qui a été modifiée par la suite parce que entre deux, une nouvelle version du Raspberry Pi est sortie, une version qui a le Wi-Fi et qui est donc plus facile à programmer, qui permettait donc de regrouper pas mal des expériences, enfin en tout cas des capteurs qu'on avait prévus à la base. Ça nous a facilité le travail, mais ça a aussi été une contrainte au niveau de l'énergie, parce que forcément la calculation, le calcul de consommation a été donc impacté, forcément. Heureusement, on avait prévu quelque chose de suffisamment costaud pour tenir pendant plusieurs heures. La mission durait normalement 45 minutes. Même avec les modifications, ça s'est très bien passé. Que dit ce genre de programme comme les sondes Voyager à votre cœur de passionné d'astrophysique? Pour moi, c'est une technologie qui est toujours fonctionnelle. C'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la durée, qui était vraiment à la pointe de la technologie de son époque et qui a permis vraiment de poser les bases de l'exploration spatiale. D'autant plus que là, c'est actuellement la seule sonde, enfin le seul objet humain à avoir dépassé le système solaire. Donc pour moi, c'est quelque chose qui invite à plus. C'est un point de départ qui permet ensuite de pouvoir rêver plus, de pouvoir imaginer beaucoup plus de choses, et aussi à partir de ce qu'on connaît, de pouvoir créer des choses beaucoup plus évoluées, beaucoup plus modernes. J'espère vraiment à l'avenir, comme je veux continuer de travailler dans ce domaine et comme c'est vraiment ce qui me passionne, j'espère qu'à l'avenir il y aura plus de projets, plus de choses ambitieuses, on va dire, qui vont sortir. Et à mon sens, il faut qu'on aille plus loin. Le reportage d'Antoine Beauchamp. Alors même si on va voir, hein, parce que pour ne pas faire rugir Rosine Lallemand tout de suite, que les deux sondes Voyager ne sont pas vraiment tout à fait sorties du système solaire pour le moment, mais nous allons en discuter tout à l'heure et nous allons voir que ça donne beaucoup de grains à moudre et de matière à réfléchir à la recherche en astrophysique sur cette dernière partie un peu inattendue du programme Voyager. J'aimerais avoir une réaction de l'un et de l'autre à ce reportage, comme quoi finalement les contraintes, hein, de la construction d'un objet spatial, d'un satellite, d'une sonde, sont toujours celles de la place, de la miniaturisation, du poids. Est-ce que Voyager a réussi avec vraiment particulièrement de brio, Francis Rocard? Oui, bon, c'est typiquement ce qu'on appelle un projet étudiant, c'est-à-dire c'est un nanosat 1U, donc 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Bon, là, ils ont une forme cylindrique, peu importe, mais ça permet de se confronter aux contraintes du spatial et de bien comprendre ce qu'il y a dans un satellite pour que ça fonctionne. Il faut un contrôle d'attitude, il faut de la puissance, il y a les problèmes thermiques, il y a les problèmes de signaux, il y a de la transmission, voilà. Et Voyager, c'est tout ça, mais très fiabilisé et qui fonctionne depuis 40 ans. Donc ça, c'est la différence. Le problème des nanosats, c'est que parfois ça fonctionne, il l'a dit 45 minutes. Bon. Donc imaginez des missions planétaires avec des nanosats, ça me perturbe un peu. Voisine de l'Allemagne, une réaction à ce reportage ? Moi, je trouve que c'est. Oui, je me demandais si aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait. À quelle taille on pourrait réduire les voyageurs. Mais bon, ça. J'imagine qu'on doit faire beaucoup mieux. Mais c'était quand même déjà. Bon, je ne sais pas si Francis peut répondre plutôt à cette question. Les Voyager sont déjà relativement modestes en taille par rapport à Cassini ou Galileo. Je pense que le problème de la réduction, c'est qu'à un moment, votre collecteur de photons, la caméra, le spectro, il a besoin de photons. Donc si vous réduisez trop, vous avez moins de photons et vous avez un signal qui se perd et c'est moins bon. Donc il y a des limites physiques à ne pas dépasser pour réduire. On peut gagner un peu sur la masse de l'électronique, on peut les RTG, je suis pas sûr qu'on puisse gagner. Donc finalement, une Voyager d'aujourd'hui serait pas beaucoup plus légère. Bon, les instruments qui feraient peut-être 10 kilos, on ferait 5. Mmh. Mais encore une fois, il faut un télescope qui collecte des photons et ça, il faut pas trop le réduire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. El Cascabel de Lorenzo Barcellata and the Mariachi qui fait dans ses espèces en régie, qui est très, très, très amatrice de musique mexicaine. C'est l'un des morceaux que l'on trouve sur le disque qui a été embarqué dans les deux sondes Voyager. Alors, on cite beaucoup Johnny B. Goode et Bach, mais il y a aussi de la musique mexicaine, il y a aussi du gamelan, il y a tout un panel, il y a aussi du Mozart, la Reine de la Nuit. Bref, on va vous mettre d'ailleurs la liste de la playlist de Voyager et des titres qui ont été gravés sur ce disque dont nous parlerons forcément tout à l'heure à un petit moment. Mais ça n'est pas ça le but de notre conversation immédiate avec Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, et avec Rosine Lallemand, qui est astrophysicienne et membre de l'Observatoire de Paris et qui est avec nous en direct depuis les locaux de France Bleu Pays Basque à Bayonne. On va parler un peu de ce que Voyager et de ce que ces deux sondes nous ont appris des planètes lointaines, des planètes derrière la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, avec cette petite particularité que nous évoquions tout à l'heure au début de l'émission, qui est que Voyager 1 est parti en deuxième, mais est arrivé en premier. Comment ça se fait, ça, Francis Rocard ? Vous avez donné la réponse dans la question. C'est parce qu'il est arrivé en premier qu'on l'a appelé Voyager 1. C'est pour garder cette primeur de celui qui est le plus loin, c'est le 1, même s'il a été envoyé en deux. Mais donc c'était plus malin de faire ça parce que sinon on aurait emmêlé les pinceaux pendant comme Jean-Claude 40 Bourret d'ailleurs, comme on entendait tout à l'heure, qui s'est emmêlé les pinceaux. Mais comment se fait-il que Voyager 1 ait acquis une vitesse cinétique plus grande que Voyager 2, puisque Voyager 1 voyage aujourd'hui plus vite que son petit frère ou sa petite sœur, je ne sais pas comment il faut dire. Je ne sais pas s'il voyage plus vite. En tout cas, il y a eu une décision très difficile à prendre au moment du survol de Saturne, parce que on avait détecté depuis pas très longtemps que il y avait un satellite très particulier autour de Saturne, s'appelle Titan, qui est le satellite le plus important de Saturne, que ce satellite, on avait détecté du méthane. On n'avait pas encore détecté l'azote parce que c'est plus compliqué à détecter, mais on l'a détecté en ultraviolet. Et on s'est dit, c'est incroyable ce satellite, il a une atmosphère dense de méthane, il faut absolument le survoler de très près. Et donc, il y a eu tout un débat dans l'équipe de Voyager. Est-ce qu'on fait un survol rapproché de Titan parce qu'on a envie de voir ça de plus près? On avait envie de voir la surface. Sachant que le compromis dans ce choix, c'était attention, si vous faites ça, vous irez pas voir Pluton. Et bien, c'est ce qui était encore une planète à l'époque, qui était encore classifiée comme 9e planète du système solaire. Absolument. Mais ça aurait été extraordinaire d'aller voir Pluton, parce que ce choix douloureux, qui s'est avéré pas très malin, puisque le survol de Titan n'a pas donné grand-chose. Et je dirais maintenant que Cassini a fait le job. Ça va, sur Titan, on a bien progressé. Et donc, on a perdu la capacité avec Voyager 1 de survoler quoi que ce soit. Donc, Voyager 1 s'est retrouvé sur une trajectoire tendue. Et donc, s'est retrouvé à quitter le système solaire plutôt que Voyager 2, qui était dans une trajectoire plus arrondie. Pour aller chercher Uranus et Neptune. Et maintenant, il y a la sonde New Horizon qui a fait le job, comme vous dites, Francis Rocard, qui a fait le boulot pour Pluton et qui nous a apporté des images magnifiques. Un mot donc pour dire, Rosine Lallemand, on va retracer le parcours de ces deux sondes. Jupiter, donc, on avait déjà quelques images qui nous avaient été envoyées par les sondes Pioneer. Qu'est-ce que Voyager 1 d'abord, puis Voyager 2 qui passe quelques semaines plus tard. Voyager 1 arrive sur Jupiter le 5 mars 1979, autour de Jupiter, pardon, à 200 000 km. Voyager 2 le 9 juillet. Qu'est-ce que les deux sondes nous apprennent de cette planète géante que nous ne savions pas encore ? Vous parlez de Jupiter, là. De Jupiter, oui. Tout à fait. Oui. Alors bon, moi c'est pas du tout ma spécialité, mais enfin je crois que tout le monde a été très très impressionné par l'approche, la vision de ces taches géantes qui sont des cyclones absolument fantastiques et qui étaient une très très grande surprise à l'époque, parce que c'est vrai qu'avec les télescopes de loin on voyait pas très très bien ce que ça pouvait être. Donc là ça a été d'un seul coup la découverte de toute la dynamique de cette qui est extrêmement complexe, hein, et, qui est bon, ces taches, vous savez qu'elles ont évolué depuis, elles continuent à être étudiées. Bon, voilà, donc pour moi, c'était surtout ça la grande surprise pour Jupiter. Pour Jupiter, Francis Rocard, quel a été l'apport majeur des deux passages de Voyager 1 et 2? Alors, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est qu'il y a un scientifique américain qui a publié un article sur le satellite Io, quelques mois avant l'arrivée des Voyager, et cet article prédisait que pour des raisons liées à des effets de marée sur Io, dont on a calculé depuis que ces effets de marée font une amplitude de 100 mètres, là où au Mont-Saint-Michel on a 7 ou 8 mètres, nous, 100 mètres sur Io, c'est considérable, produisait une activité volcanique considérable. Et bingo, les Voyager ont survolé Io et Jupiter et ont regardé Io au limbe. Ils ont vu un superbe panache volcanique. C'est une photo célèbre que tout le monde a vue. Et on va vous remettre sur le fil Twitter de l'émission, voilà, si vous ne l'avez pas en tête. Et ils ont détecté 9 volcans actifs sur Io. C'est l'objet le plus actif sur le plan volcanique de tout l'univers. Et c'est la première fois que l'on détectait de l'activité volcanique ailleurs que sur Terre. C'est le seul, c'est ce que je viens de dire. C'est le seul. Avec la Terre, c'est le seul. Alors après, il y a d'autres découvertes. On a découvert les anneaux de Jupiter, par exemple, qui sont extrêmement fins et qui étaient impossibles à voir. Les voyageurs ont quand même trouvé 24 lunes, dont 3 autour de Jupiter. Ils ont également découvert les anneaux d'Uranus et Neptune. Donc, il y a eu énormément de découvertes. Les premiers éclairs d'orage découverts grâce aux senseurs radio dans l'atmosphère de Jupiter. Étape suivante, Saturne, 1980 pour Voyager 1, soit un an seulement après Pioneer 11. Les deux sondes s'approchent beaucoup plus près, hein, puisqu'on était à 200 000 km et quelques de la surface de Jupiter. Là, on est à 65 000 km de la surface de Saturne pour Voyager 1 et 40 000 km de la surface. Il n'y a pas de surface. On ne connaît pas bien la surface. Enfin, en tout cas, c'est les mesures. C'est le haut des nuages. Voilà, c'est du haut des nuages, exactement. Il n'y a pas de surface sur les planètes gazeuses. Quels sont selon vous les apports de ces deux sondes? Qu'est-ce que ces deux voyageurs nous ont permis d'apprendre de Saturne que nous ne savions pas ou que Pioneer avait juste effleuré en quelque sorte originalement? Oui, je voulais revenir sur le. Ce n'est pas Encelade aussi qui a un peu de sur lequel Cassini a détecté des. De l'activité volcanique sous la croûte glacée des geysers ou enfin est-ce que c'est pas enfin je suis pas spécialiste hein, je posais la question à Francis Rocard. Il y a d'autres activités, même sur Europe on suppose qu'il y a de l'activité des chambres magmatiques sous-marines, mais ce sont des geysers, ce n'est pas un volcan. Des geysers, c'est de oui. l'eau, c'est pas volcan, au même titre qu'on a trouvé et ça c'est une grande découverte des Voyager sur Triton, satellite de Neptune. On a également détecté des Voyager. André Braik serait là, malheureusement il n'est plus là, vous le savez. Il nous en racontait beaucoup. Il connaissait tout ça par cœur. Parlons donc de Saturne pour poursuivre la trajectoire des deux sondes. Rosine Lallemand, sur Saturne, des informations que Voyager nous a permis de préciser ou des photos, des images. Bon, alors là, encore une fois, bon, c'est pas ma spécialité, les passages des. Non, mais on vous emmènera tout à l'heure sur les limites du système solaire. Je vous torture un peu, mais c'est parce qu'on a envie de vous entendre aussi, voyons. Non, les passages. Bon, écoutez, là, cette vision des anneaux, c'était quelque chose de totalement inédit. Quand la sonde s'est approchée, c'était grandiose. Tout le monde a été bouleversé par la découverte de ces anneaux infiniment fins. On n'imaginait pas à quel point ça pouvait être fin. Et puis tous les satellites et la façon dont les satellites sculptent en fait la géométrie de ces anneaux. Voilà, c'était l'une, l'une encore des, un des bouleversements voilà. apportés par Voyager. C'était une des images vraiment emblématiques. Francis Rocard, peut-être aussi un mot, si vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur Titan. Mais Titan, c'était quelque chose qui intéressait énormément hein, la communauté astrophysique. On a longtemps imaginé que Titan était une sorte de forme ancienne de la Terre ou qu'il y avait une forme de parallélisme entre Titan et la Terre qu'on pouvait effectuer. C'est pour ça que ce choix a été fait de dévier un peu Voyager 1 de sa course pour passer, pour aller regarder ce qui se passait au plus près de Titan. Alors, ceci dit, ce que vous venez de dire, ça a été dit, mais ce n'est plus ce qui est... on ne peut pas dire que Titan est une version primitive de la Terre. La version primitive de la Terre, c'est plutôt une atmosphère riche en CO2 et très oxydante. C'est vrai qu'il y a 20-30 ans, on pensait que les atmosphères primitives étaient des atmosphères très réductrices, au même de la composition de Jupiter lui-même ou de Saturne lui-même. Donc azote, hélium, etc. En fait, tout ça est faux et on a changé complètement notre compréhension de tout ça. Dans le cas de Titan, effectivement, c'est un cas unique dans le système solaire. Il y a quand même 1,5 bar, je crois, de pression au sol. Pour vous donner, si vous prenez les livres, le diamètre de Titan est souvent faux. Parce que les gens observent Titan à l'époque avec des télescopes et disaient, je mesure un diamètre. En fait, l'atmosphère de Jupiter fait 1200 km. Donc, il faut enlever 3200 km dans la mesure que vous faites pour avoir le vrai diamètre de Titan. Donc, il y a beaucoup de chiffres qui donnent un Titan beaucoup trop important. Et bon, les Voyager ont détecté l'azote dans l'atmosphère de Titan. Et donc, on a découvert qu'on avait un satellite qui était unique. Il est toujours unique dans le système solaire. Ça, c'est une découverte importante. Dans les anneaux, vous savez, les anneaux, ils s'appellent ABCDEF. À l'époque des Voyager, on s'est aperçu que c'est un véritable micro-sillon, les anneaux. C'est-à-dire qu'on a découvert la structure fine et on a découvert ce qu'on appelle les spokes. Et les spokes, c'est quelque chose qui était très mystérieux à l'époque et qui commence à être compris. C'était des structures radiales dans les anneaux qu'on ne pouvait pas s'expliquer. Et pourquoi ? Parce que vous savez qu'un anneau ne tourne pas de façon fixe, il y a les lois de Kepler, donc si vous êtes plus proche, vous tournez plus vite que si vous êtes plus loin. Et donc comment se fait-il qu'on voit les structures radiales ? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que c'était des effets d'interaction des anneaux avec le champ magnétique, donc c'était mais ça a été compris de façon très très très lente. Et donc, et je précise d'ailleurs, puisque nous parlons des anneaux de Saturne et de Voyager aujourd'hui, je vous précise que le 15 septembre, ce sera la fin de la mission Cassini, qui est un événement qui est prévu à la Cité des Sciences à Paris, si vous avez la chance d'y aller pour suivre en direct les dernières minutes de cette sonde Cassini, et que nous ferons ici même dans la méthode scientifique une émission spéciale consacrée à Cassini et à ses dernières minutes et aux dernières informations, puisque la sonde va plonger à l'intérieur de l'atmosphère de Saturne jusqu'à la perte de contact qui est prévue, si ma mémoire est bonne, à 14h02. On vous en reparle donc dans une quinzaine de jours. C'est la fin de la mission de Voyager 1, hein, donc vous l'avez expliqué, qui s'éloigne après être partie de Titan. Et puis je crois qu'il y a eu quelques grosses sueurs froides aussi pour Voyager 2, qui en se rapprochant justement des anneaux de Saturne a vu une partie de son matériel gelé, et que c'est là que la reprogrammation a été importante, Francis Rocard. Alors oui, ce qui s'est passé, c'est que la plateforme de pointage des instruments optiques a commencé à se gripper. Et donc, c'était extrêmement préoccupant, parce que quand vous faites un survol, vous êtes obligé d'avoir la plateforme qui suit la planète pour pouvoir prendre les images. Et si la plateforme est grippée, ben, la perte est considérablement des survols. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'instrument au sol, parce qu'il y a toujours un instrument au sol. Ils ont commencé à le secouer, et ils se sont rendu compte qu'il y a un lubrifiant, et qu'en le secouant, on faisait circuler le lubrifiant dans les rouages, et finalement, on dégrippait. Et donc, ils ont secoué Voyager, en le tournant un coup à droite, un coup à gauche, pour faire des accélérations de rotation, et ça a été efficace. Donc c'était pas gagné d'avance, mais le survol s'est très bien passé. Un mot encore, et on va essayer d'aller un peu plus vite pour avoir le temps d'évoquer cette fin de mission, et justement ce que ces deux sondes nous apprennent encore aujourd'hui et pour quelques années encore des confins de notre système solaire. Un mot sur Uranus et Neptune. Voyager 2 donc est toute seule maintenant et atteint Uranus le 24 janvier 1986. Ce sont les premières images et ce sont encore aujourd'hui les seules images que nous ayons de bonne définition entre guillemets de ces deux géantes de glace, Francis Rocard. Oui, alors il y a eu Uranus en 86, Neptune en 89. Et sur Uranus, je dirais qu'il y a eu un peu une déception sur la planète elle-même, qui ne présente, à l'inverse de Jupiter et Saturne, pas beaucoup de structures. Donc les photos d'Uranus, c'est tout bleu. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Et donc c'était un petit peu ennuyeux. Par contre, une chose très surprenante dans le cas d'Uranus, mais aussi de Neptune, c'est le champ magnétique. Le champ magnétique. Qui n'est pas parallèle à l'axe de rotation de la planète, d'une part, et qui en plus n'est pas vraiment centré sur le centre de la planète. Et ça, c'est très mystérieux. Je veux dire qu'on n'a pas encore très bien compris pourquoi c'est comme ça. Il faut savoir que le champ magnétique d'une planète géante ne provient pas de mécanismes similaires au champ magnétique de la Terre. Et en fait, les mécanismes du champ magnétique, d'ailleurs la mission Juno est en train de l'étudier autour de Jupiter, et essaye de comprendre quels sont les mécanismes qui créent ces champs magnétiques dans les planètes géantes. Et je pense qu'il va falloir retourner à Uranus et Neptune pour comprendre pourquoi le champ magnétique est tellement décalé par rapport à la rotation. Mmh. Alors dans le cas de Neptune, on a eu quand même on a un record mondial, c'est la vitesse des vents. Donc on atteint 2100 km/h dans le cas de Neptune. Et puis sur Neptune, il y a aussi Triton, qui est un satellite rétrograde. Rétrograde, ça veut dire qu'il ne tourne pas dans le même sens que la planète. Ça veut dire que c'est un objet Kuiper capturé. Et la ceinture de Kuiper qui se trouve derrière, dont fait partie Pluton maintenant, sont les petits objets, les planètes naines. On est à moins de 145 degrés, donc on est extrêmement froid, et néanmoins on a vu un geyser. On a vu plusieurs geysers sur Triton, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Simplement il faut aller à Neptune, et on est quand même des distances extrêmement lointaines du Soleil. Aujourd'hui, le seul matériel dont on dispose, en tout cas visuel, qui ne soit pas un matériel d'observation de la Terre, ce sont encore une fois ces photos qui ont maintenant, qui datent de 89-90, donc qui ont près de 25 ans, 30 ans. Ce sont les seules images que nous ayons de nos deux dernières planètes. Je dirais que l'essentiel, ce qu'on écrit sur Uranus et Neptune, viennent de Voyager 2. Tout ce qu'on a appris, c'est Voyager 2, parce que on a évidemment fait beaucoup mieux que tout ce qui pouvait se faire au sol. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45, nous allons donc rentrer dans la dernière phase de la mission, en même temps que nous entrons dans la dernière phase de l'émission, avec vous, Rosine Lallemand, puisque finalement, c'est presque fortuit que ces deux sondes puissent continuer à nous renseigner sur les confins de ce système solaire. Est-ce qu'on sait, on connaît aujourd'hui précisément la position de Voyager 1 et de Voyager 2? Ah, les positions, oui, bien sûr, oui, ça c'est parfaitement connu, oui. Non, ce qui s'est passé, enfin. A priori, les sondes étaient à la retraite, en fait, en gros, puisqu'il y avait la question était qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a passé les planètes, les caméras. Bon, après des photographies des planètes de près, ça présentait au plus aucun intérêt. Alors sur les sondes, il y a des instruments qui sont capables de mesurer le gaz et le neutre ou ionisé dans lequel la sonde se trouve. Il y a de quoi mesurer du champ magnétique, etc. Mm-hmm. Tout ça, c'était fait pour les atmosphères des planètes. Donc ça pouvait servir à, et ça a été fait, à mesurer dans quoi se trouvait la sonde, c'est-à-dire dans l'espace interplanétaire. Mais bon, voilà. Donc c'était la fin. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, on ignorait totalement ce que devenait, quelle était la limite de l'expansion de ce qu'on appelle le vent solaire. Mmh. Alors, je suis obligée de faire point. C'est ça. Voilà. Il faut préciser un peu ces différentes étapes, parce qu'on entend beaucoup de bêtises là-dessus. On entend beaucoup dire que les sondes sont sorties du système solaire. Ça n'est pas vrai. Solaire. Elles sont encore dans le système solaire. Il y a un débat sur l'endroit où elles se trouvent par rapport à des concepts que vous allez nous expliquer qui sont les lieux-pause. Question de définition. C'est-à-dire qu'en fait, le système solaire, si on le définit au niveau de l'influence de gravitation du Soleil, c'est-à-dire quels sont les objets qui sont captés, piégés autour du Soleil, et les sondes sont encore largement dedans. Il y a par exemple le réservoir des comètes, la ceinture de Kuiper, c'est plus près, mais il y a aussi après le nuage de Oort. Et tout ça, ce sont des objets solides qui sont en attraction toujours autour du Soleil. Et peut-être donc, même une planète. Au fond, c'est le système solaire. Derrière encore, dont on suppose l'existence. Oui, qui est encore un peu controversé, qui est encore un sujet. Mm. Mais disons que, là, en gros, si on s'intéresse à la gravité, le système solaire s'arrête là où commence la gravité d'une autre étoile. Et donc, ça va très loin. Par contre, l'autre définition potentielle du système solaire, c'est plutôt la limite de la zone d'influence du Soleil dans le sens de la matière, c'est-à-dire alors vous avez vu toutes ces belles images de couronne pendant les éclipses de couronne solaire, il s'échappe à peu près 6 millions de tonnes de matière du Soleil par seconde, ça s'appelle le vent solaire, c'est chaud, c'est complètement ça part à des vitesses entre 500 et 1000 km par seconde, c'est complètement électrique. Et ce vent solaire, en fait, on est dedans. Les planètes sont dedans. La Terre est dedans. C'est ça qui fait les belles aurores, d'ailleurs. Mmh. Quand elles ont fini le tour des planètes, elles étaient toujours, les mesures le montraient, étaient toujours dans ce vent solaire. Et donc, la question se posait, est-ce que, jusqu'où va-t-il? Alors, si le Soleil est dans le vide, on peut comprendre très bien que ce gaz ionisé, il va aller remplir indéfiniment l'espace, il va s'expandre dans toutes les directions, partout. Mais ça a des limites, et la limite, en fait, c'est la galaxie elle-même. Enfin, la galaxie dans le sens où, vous savez que les galaxies sont des étoiles, et des nuages de gaz et poussière. Mmh. Et des nuages de gaz et poussière, il y en a partout. Il n'y a pas de vrai vide, il n'y a jamais de vrai vide, en fait. Il y a des nuages plus ou moins denses, sur des ordres de grandeur de différence, mais il n'y a pas de vrai vide, il y a toujours des nuages. Et on se disait bien qu'à un moment, il doit y avoir une matière aux alentours du Soleil, qui est de la matière. Alors cette fois-ci, c'est plus de la matière solaire, c'est de la matière, disons, on peut dire galactique, en fait. Interstellaire, voilà. Entre les étoiles, mais disons d'origine galactique. Ça n'a plus rien à voir avec le Soleil. Et à l'époque, on ignorait complètement dans quel nuage et de quel type il était, était le Soleil. Alors, une chose aussi qu'il faut préciser, tout bouge dans la galaxie, les étoiles bougent, les nuages de gaz bougent, et il n'y a pratiquement jamais d'étoile qui est au repos par rapport à un nuage de gaz interstellaire. Donc, il se trouve qu'effectivement, le Soleil bouge par rapport à un nuage de gaz dans lequel il est, qu'on appelle, alors avec une grande imagination, le nuage interstellaire local, on n'a pas trouvé mieux. Mm-hmm. C'est un petit nuage Oh là, pas de belles images de ce nuage. Il est, vous le verriez même pas. Enfin, c'est même pas un cirrus. C'est pour prendre l'analogie avec les nuages terrestres. C'est un petit ensemble de gaz et de poussière extrêmement ténu. Mais bon, c'est là-dedans que que bouge actuellement à peu près 20 km par seconde notre étoile. C'est une chance d'ailleurs pour les yeux ou pour l'humanité, peut-être si on extrapole, qu'on soit dans un nuage comme ça, parce que si on était dans des nuages totalement obscurcissants, on n'en verrait pas les étoiles. Mais donc on savait qu'on était dans ce nuage, et à l'époque, au moment où l'émission planétaire se terminait, des mesures ont montré, des mesures astronomiques, donc en regardant des étoiles proches du Soleil, on a essayé de comprendre justement comment était le mouvement de ce nuage. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu caractériser et comprendre dans quelle direction se faisait ce mouvement relatif entre le Soleil et le gaz. Alors, je vais prendre une analogie, disons, de un peu basique. Imaginez un arrosoir, voilà, omnidirectionnel. Hein, vous arrosez votre pelouse avec ça, ça part de partout. Quand vous êtes à côté de l'arrosoir, vous êtes dans l'eau de l'arrosoir. Vous mettez votre arrosoir au fond d'une rivière avec un fort courant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'arrosoir, et l'eau qui sort de l'arrosoir, c'est le soleil et le vent solaire. Et l'eau de la rivière avec son courant, c'est le gaz galactique dans lequel le soleil se déplace. Ça va jusque-là? Tout à fait. On vous suit tout à fait. Et donc, voilà. Donc, si vous mettez un petit poisson est à côté de l'arrosoir, ce petit poisson, il est dans l'eau de la, il est plus dans l'eau de l'arrosoir, il n'est pas dans l'eau de la rivière. Par contre, il y a un sens. Si ce poisson se déplace en amont de la rivière, c'est-à-dire vers où le courant, vers la direction d'où vient le courant, il y a un moment où il y a un équilibre de pression et l'eau de l'arrosoir n'arrive plus à empêcher le flux de la rivière et on passe, il y a une frontière. Et on passe de l'autre côté, dans l'eau de la rivière. Par contre, dans l'eau... Ce que vous venez de décrire, cette frontière, est-ce que c'est le choc terminal? C'est l'héliopause. C'est l'héliopause. Voilà, alors, c'est pas le choc terminal, ouais, justement, je vais revenir là-dessus. C'est vraiment la zone qui sépare les deux milieux complètement différents de nature, hein, d'origine, c'est l'héliopause. La différence entre l'eau de l'arrosoir et l'eau de la rivière, ça a une frontière, voilà, c'est l'héliopause. Exactement. Et c'est une frontière mouvante, en plus, par ailleurs. C'est une frontière qui n'est pas tout à fait fixe. Alors, elle est un fixe. Peu mouvante parce qu'elle dépend d'un équilibre de pression. Et comme le soleil a des sautes d'humeur et que le vent solaire est variable dans le temps, il y a des moments où cette frontière se rapproche un peu puis s'éloigne un peu. La question originellement, c'est est-ce que Voyager 1 et a fortiori Voyager 2 ont franchi cette héliopause ou pas? Parce qu'il y a quand même un débat là-dessus qui n'est pas tout à fait tranché d'après ce que j'ai lu. Alors oui, c'est un débat, c'est très intéressant. Bon, je crois que Voyager 2, c'est certain, Voyager 2 est dans le vent solaire, toujours. Donc toujours à l'intérieur de l'arrosoir. Voilà, il est toujours. Alors, il a passé ce qu'on appelle le choc terminal. On a dit c'est la limite du système solaire. Non, le choc terminal, c'est simplement le moment où le vent solaire devient subsonique. Il est brutalement décéléré avant de se mettre au diapason de. Mais c'est toujours du vent solaire. D'accord. Il y a un choc. On passe dans un gaz. C'est le vent solaire, mais moins vite. Voilà, ça va moins vite, voilà. C'est plus chaud, mais c'est une onde de c'est toujours du vent solaire. Et donc Voyager 2 est toujours dans le vent solaire, c'est certain parce que on voit ce vent solaire évoluer. Et justement, pour reprendre l'analogie de l'arrosoir, Voyager 2 est en train de mesurer extrêmement bien la façon dont ce vent solaire est refoulé. C'est-à-dire, il tourne. Sa direction change au fur et à mesure. Les mesures le montrent. Et il est en train d'être, on le voit, en gros, on le voit repousser. On voit comment il est repoussé par le gaz interstellaire et comment il est refoulé et va repartir vers l'arrière. C'est mesuré. Ça ne pouvait pas être mesuré avec Voyager 1, malheureusement, parce que l'instrument qui mesure le plasma ambiant ne marchait plus. Voilà. Et alors, Voyager 1, pour conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Rosine Allemand, Voyager 1 donc, a franchi cette héliopause. Et pourquoi ça fait débat, en quelques mots? Alors, il y a un débat sur... Il y a eu un... Bon, un débat à cause du champ magnétique. Au moment où la sonde est passée, encore une fois, tout ça vient du fait que l'instrument ambiant ne marche plus, qui mesure le placement ambiant. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que brutalement, les rayons cosmiques, c'est-à-dire ce sont des particules galactiques de haute énergie qui sont bloquées par le vent solaire, et donc dont on est protégé, dont le vent solaire nous protège, et ben brutalement, ces particules cosmiques, leur flux a augmenté, très brutalement. Et ça, c'est le signe qu'on n'est plus protégé par le vent solaire, qu'on est rentré dans un milieu moins dense, moins protecteur. Et il y a eu aussi d'autres, bon, je vais passer des types de particules qui sont accélérées dans le vent solaire et qui ont disparu. Et donc ça, c'était vraiment des signes majeurs de passage de l'héliopause. Par contre, le champ magnétique, dont on attendait certains modèles prédisaient une rotation, n'a pas tourné. Donc il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Il y avait une réunion dans laquelle il y avait franchement, c'était très très partagé. Il y avait beaucoup de pour, beaucoup de contre. Et la NASA a annoncé finalement, écoutez, on pense qu'on est dans une zone tampon, qu'on n'est pas encore passé. Aujourd'hui, le champ magnétique a tourné. C'est petit à petit, et on peut même calculer que il est en train de tourner et que dans une dizaine d'années, il aura rejoint la direction du champ magnétique interstellaire, qui est à peu près mesuré par ailleurs. Donc on est dans une zone intermédiaire qui fait encore débat. Juste pour nos auditeurs, dire que on va vous mettre quelques schémas justement de ce choc terminal, de cette héliopause, tout ça sur le fil Twitter, parce que malgré le brio de vos métaphores de l'arrosoir, c'est quand même plus simple quand on a schéma explicatif devant les yeux. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas le on va en mettre sur Twitter. Un mot peut-être de conclusion rapide. Aujourd'hui, donc, ces sondes Voyager 1 et Voyager 2 vont encore continuer à communiquer avec nous pendant combien de temps à peu près? On prévoit la NASA prévoit jusqu'à 2025. Le plus intéressant maintenant serait que l'idéal serait que Voyager 2, avec tous ses instruments en marche, traverse l'héliopause. Alors je crois que là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses il y a eu beaucoup de surprises, et encore une fois, là, c'était très intéressant cette mission, parce que aussi bien le choc terminal que l'héliopause vu par V1, tout ça était totalement différent. Il y avait beaucoup de différences par rapport aux prédictions, et ça nous apprend énormément de choses sur la façon dont les étoiles interagissent avec leur environnement, et ça peut servir à des tas d'autres sujets astrophysiques en fait. Et il y a eu beaucoup de surprises et beaucoup de choses qu'on a apprises grâce à ça. Francis Rocard, quelles sont vos attentes encore sur vis-à-vis de ces deux missions Voyager 1 et 2, en quelques mots? On attend que Voyager 2 sorte de l'héliopause, mais on va attendre 225 millions d'années et on aura fait un tour dans la galaxie et les Voyagers reviendront nous voir. Voilà, pour les gens comme Jean-Claude Bourret qui attendaient que les deux disques de Voyager dont nous n'avons pas parlé, mais sur lesquels il y a une littérature abondante, soient entre les mains d'une civilisation extraterrestre, il y a encore certainement un peu de temps à passer. Merci beaucoup Francis Rocard, merci beaucoup Rosine Lallemand, merci à tous nos confrères de France Bleu Pays Basque à Bayonne pour le duplex. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguet, Saint-Ville France, Céline Lezen, Hugo Bartholomei, Elisabeth Miro à la réalisation, Clément Berman à la technique, Victor Buton au droit d'auteur. Voilà, ce que vous entendez, ça n'est pas un parasite, ce sont les bonjours enregistrés en 55 langues qui sont sur le disque conçu par Carl Sagan et qui ne tomberont donc certainement jamais entre les mains d'une civilisation extraterrestre, mais qui sait. La suite de vos aventures sur France Culture, 18h20 dans le Grain à Moudre, Hervé Gardette posera à ses invités la question de savoir si Angela Merkel est encore une valeur refuge, et dans quelques instants, deuxième épisode de la série documentaire sur le salariat. Le salariat n'est pas mort, il bouge encore, par Rémi Douat et Martine Abba. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain on parlera de gros chiffres, de très gros chiffres, de très très gros chiffres, les big data ou les mégadonnées, comment elles ont bouleversé la démarche scientifique, et ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.